Je me lance. Je commence à écrire, pourtant j'ai pas d'idée en tête. Mais elle pousse comme des cris, ça veut dire qu'il y a une feuille, je dois faire sa fête. Sauf qu'au fil de mes récits, j'ai l'impression que je me répète. Je parle du monde et de ses cris, mais surtout de moi et de mes pestes. De mes potes et de mes proches, et tout ce qui autour de moi s'accroche toujours tranquille comme une tortue. Je ne dirais pas que le tortue jusqu'à la mort il te torture. Mais pourquoi te tortue dans tous les sens comme une anguille? T'oublieras pas grâce aux écrits. Y'a aucune drogue, aucun médoc qui t'empêchera de partir en vie. Faut une dérogue pour calmer le doc avant qu'il t'ampute et parte en ville. Je pourrais citer Martin Luther et dire I have a dream. Pour cette phrase, certains luttèrent contre le racisme et tous ces crimes métro sont encore commis. Alors le combat, je continue. Les politiques sont des comiques, ce sont les plus marrants contenus. Tous formatés à la télé-réalité. Les gens croient qu'il faut voter pour celui qui se fera le plus rigolo. Pendant que moi, dans mon coin, je m'abstiens de faire le point. J'en ai marre de péter les plombs, le moral ils veulent me plomber. Mais je résiste, j'improvise tous les plans B. Tant que la mélancolie persiste, j'étale plus ma vie sur face B que sur Facebook. Du genre à m'effacer, ouais du temps j'en suis out. Ouais du temps j'en suis out. Pendant que tu te défonces pour faire un buzz, ben moi c'est le buzz qui me défonce. J'suis un tox, demande aux duses, y'a que le shit qui me donne des forêts. J'suis du genre à péter le mic aussi facilement qu'un stick. Pas du genre à jouer les Mac même si ça a l'air fantastique. J'essaie de rester humble chérie même quand devant moi tu trembles. Et si un jour une salle doit porter mon nom, j'espère que ce ne sera pas une femme que j'aurai serré en faisant nous molle. Mais dans le fond, je tourne autour du trou en essayant pas tomber dedans. Tu me verras pas souvent sous et tu me trouveras jamais loin devant. Je rate toujours le départ et quand je suis en avance, et bah j'attends ceux qui sont en retard. Tu crois que tu me devances, mais regarde, j'ai déjà pété le radar car l'équipe est déterre. Si le rap est mort, et bah le prostaff le déterre. Pose le slip et je le tords, ouais. Faut que je me casse de là, le ciel va me tomber sur la tête. Mais je suis pas doué pour ça, je crois qu'on me ramassera à la raclette. À la raclure, tu diras peut-être que je me la rac sec, mec. Mais tu baves devant les decks comme devant moi une schneck. Mais putain, c'est quoi sexe? Ça rime à rien. Dans ma tête, y'a rien qui rime avec l'inspi. J'essaie de faire le lien, mais rien ne sort, ça me déprime. Encore un joint éclaté dans le cendrier. Les années passent, ça fait loin. L'époque où je rêvais d'une cendrillon, cendrier. Dis ce que je pense, j'ai plus le sang chaud, j'ai le sang grillé. Des hard mic, je me dépense, je ferai le show même sans billet. Sans briller, moi je veux pas devenir une star. Non, y'a bien trop de problèmes sur terre, mon frère, pour ne pas les voir alors. Roule un terre que je décompresse, qu'on décompresse. J'ai la pression décompressiste que le temps passe. Mais après, s'il y avait pas autant d'imbéciles, je serais pas aussi indécis. Pourtant, je suis un des seuls à garder le sourire, le mental au sol. Mais plus je m'écoute parler, plus je me dis que je serais vous, je serais déjà parti. Mais au final, on est là à kiffer la paille pendant que d'autres sont loin, peut-être kickés par une vibe. C'est quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi